ne crois pas en la terre. Ce ne sont que des mensonges. Franchis les pas et rends-toi sourd aux oiseaux des mauvais augures. Prends le contrôle de tes sens. C'est un jour, apprends à jouer. Ne crois pas en ces potents chants, mais comprends ce qui se cache au fond. La révolution de l'esprit ne sera pas à la télé. Ceux qui en tiendront les sièges, les statues, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Oh, oh. Quelle est cette comédie? Quelle est cette comédie? Je te le répète, ouvre la porte, explore tes doutes et qui l'emporte. Ils sont entraînés, ton esprit à lutter contre toi pour t'empêcher de trouver ta voie. Est un arme qui est en toi. Et bien l'amour et la compassion. Et bien ce qui sommeille en toi. Montre-nous ce que tu as. Et bien le sage est un arme qui est en toi. Et bien l'amour et la compassion. Un ocean d'énergie comme un réservoir. Un bambouard où tu laisses les biens. Où soignes les mars. De l'illusion pandémique. Tendance nécessaire. La révolution de l'esprit ne sera pas la télé. Ceux qui en tiendront les cieux, les statues, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Quelle est cette comédie? Quelle est cette comédie? Je te le répète, ouvre la porte, explore tes doutes et qui l'emporte. Ils ont entraîné ton esprit à lutter contre toi pour t'empêcher de trouver ta voie. Le sage est un art qui est en toi. Et bien l'amour et la compassion. Et bien ce qui sommeille en toi. Montre-nous ce que tu as. Et bien le sage est un art qui est en toi. Et bien l'amour et la compassion. Et bien ce qui sommeille en toi. Montre-nous ce que tu as en toi.